Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Les cinq premières planètes du système solaire sont visibles à l'œil nu et donc il est normal qu'on les ait repérées, qu'on les connaisse depuis l'Antiquité. Quand je dis les cinq, en dehors de la Terre, bien entendu, donc Mercure, Vénus, mais puis il y a la Lune, on parlera de ce satellite tout à l'heure de la Terre. Vénus, Mercure, Mars, Jupiter et Saturne. Elles sont donc visibles, les astronomes remarquent leur présence et puis petit à petit ils travaillent avec des instruments. Et à partir de 1600, avec l'invention de la lunette astronomique qui a été popularisée par Galilée, eh bien, on va lever le voile sur un certain nombre de mystères célestes. La question des satellites de Jupiter, des reliefs lunaires, des anneaux de Saturne, des phases de Vénus, etc. Mais c'est avec l'arrivée du télescope que s'ouvre aux astronomes tout un nouveau pan de l'univers. Le télescope que l'on doit à l'anglais Newton, qui en réalisa une première version dès 1668, ce télescope diffère légèrement de la lunette astronomique. La lunette est composée d'un assemblage de lentilles concaves et convexes, alors que le télescope utilise des miroirs à la place de lentilles, ce qui permet une représentation beaucoup plus nette de l'objet. La première planète à être découverte grâce au télescope, c'est pas tout de suite d'ailleurs, il faut attendre 1781 et ce sera Uranus. C'est une découverte fondamentale puisque c'est à ce moment-là qu'on va prendre conscience qu'il peut exister d'autres planètes que celles qu'on a jusqu'alors pu voir à l'œil nu. C'est tout un champ de l'astronomie qui d'un seul coup s'ouvre aux chercheurs. Elle est située, cette nouvelle planète, si je puis dire, elle est située à 19 unités astronomiques du Soleil. Une unité astronomique, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, c'est-à-dire environ 150 millions de kilomètres. Cette planète, elle se trouve donc deux fois plus éloignée du Soleil que Saturne. Uranus fait partie de ce qu'on appelle les planètes géantes. Les planètes géantes, elles sont toutes situées au-delà de 5 unités astronomiques, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Le diamètre de la nouvelle planète est 4 fois supérieur à celui de la Terre et sa masse 15 fois plus importante. Alors, qui fait cette découverte ? C'est un certain William Herschel. William Herschel est d'origine allemande, il était né à Hanovre en 1738, il a suivi les traces de son père, vous allez me dire son père était astronome ? Ah non, pas du tout, son père était musicien. Il jouait du hautbois dans l'orchestre militaire de Hanovre, son fils va en faire autant, il devient professeur de musique, il va il devient compositeur en Angleterre, et c'est autour de 1770 seulement qu'il commence à s'intéresser à l'astronomie. Et pour pouvoir se rapprocher au plus près de ces étoiles qu'il aime tant contempler, il entreprend de fabriquer ses propres télescopes. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à l'époque, un instrument de ce genre coûte une véritable fortune et que, sauf à les fabriquer, un certain nombre de professeurs et d'observateurs même ne peuvent tout simplement pas s'offrir ce genre d'instrument. Dès 1778, Herschel dispose donc d'un télescope qui va être d'ailleurs bien plus efficace que la plupart des télescopes qu'utilisent ses confrères. Et en 1781, grâce à cet instrument, la lunette fait 7 pouces d'ouverture, c'est-à-dire 16 centimètres. C'est un instrument de taille moyenne, on va dire, qui grossit jusqu'à 227 fois tout de même. Grâce à ça, dans la nuit du 13 au 14 mars 1781, il voit une espèce d'astre qui a l'air d'être là, qui attire son attention. Alors il observe cet objet qui a l'air nettement plus étendu qu'une étoile. Alors il se dit, j'ai découvert une nouvelle comète. Probablement, il fait part de ses observations à la Royal Society. Et nuit après nuit, on va le voir scruter cet astre, constater que ses contours sont bien plus nets que ceux d'une comète. En fait, il s'agit d'un cercle qui a l'air parfait. Et de plus, il observe son mouvement. Il réalise que l'astre en question tourne autour du Soleil. Il a l'air particulièrement lointain néanmoins. Se pourrait-il que la belle lunette de Monsieur Herschel lui ait permis de voir ce que nul avant lui n'avait jamais observé? En réalité, il n'est pas tout à fait le premier à poser les yeux sur l'astre lumineux. Entre 1690 et 1780, il avait déjà été indiqué dans plusieurs cartes du ciel, mais en tant qu'étoile et non pas en tant que planète. C'est donc bien lui qui va réaliser le premier qu'il s'agit d'une planète, une constatation qui va lui valoir l'honneur de nommer sa planète. Alors il l'appelle dans un premier temps Georgium Sidus, l'astre de Georges. Bah oui, c'est le roi Georges III qui règne à l'époque sur l'Angleterre, mais ça convient pas ça. On avait donné aux planètes jusqu'ici des noms qui étaient des noms mythologiques. Vous aviez Jupiter qui se trouvait juste après Mars. Il faut savoir que Jupiter est le père du dieu Mars. Le propre père de Jupiter, c'est Saturne. Et la planète encore un peu plus éloignée, on l'avait appelée justement Saturne. Donc là, eh bien, on décide de baptiser cette nouvelle planète du nom du père de Saturne, Uranos, c'est-à-dire en latin Uranus. Grâce à cette découverte de première importance, Herschel n'en est pas moins reconnu comme un véritable astronome. En quelque sorte, il gagne son ticket d'entrée à la Royal Society. Il devient l'astronome ordinaire du roi d'Angleterre avec une pension annuelle de 200 livres. Et désormais, il peut mettre un peu ses partitions musicales de côté et se consacrer à ce qui reste sa véritable passion, l'observation du ciel. Une passion qui devait être contagieuse du reste, puisque lorsqu'il va découvrir en 1787 Titania et Obéron, les deux plus gros satellites d'Uranus, il le fera en compagnie de sa sœur Caroline, qui est devenue au moins aussi mordue que lui. Plus tard, son fils John multipliera lui aussi les observations et il découvrira pas moins de 1475 nébuleuses. En quelque sorte, c'était de famille. Depuis la plus haute antiquité, écrit Dominique Proust, les astronomes ont cherché à comprendre pourquoi l'univers est organisé et non pas chaotique. De la même manière, les musiciens ont tenté d'expliquer pourquoi il y a de la musique et non pas uniquement du bruit. Eh bien, la double formation de musicien et d'astronome de William Herschel a sans doute, et même sans conteste, joué un rôle considérable dans sa compréhension de l'univers. Gustav Holst, on écoutait The Planets par le New York Philharmonic dirigé par Leonard Bernstein. Dans un instant, on se retrouve sur Europe 1 et avec vous, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur la formidable découverte des planètes Uranus, Neptune et Pluton. A tout de suite sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et sur Europe 1 cet après-midi, nous sommes au cœur du système solaire et Franck Ferrand, vous nous racontez la découverte de nouvelles planètes. Et oui, alors après, on a vu cette extraordinaire découverte d'Uranus. Vous allez voir que la découverte de Neptune est encore plus étonnante. Il faut revenir là un personnage qui s'appelle Le Verrier, qui est né en 1811 à Saint-Lô. C'est un bon scientifique, même s'il a échoué à l'examen d'entrée à l'école polytechnique. Il avait fait une brillante scolarité. Et pour mettre toutes les chances du côté de son fils, son père avait décidé de l'inscrire à l'Institut Meyer de Paris, qui est une école préparatoire scientifique extrêmement renommée. Un sacrifice financier pour la famille, bien entendu, c'est une famille de petite bourgeoisie. Il a même fallu vendre la maison familiale. C'est vous dire si les parents croyaient dans l'avenir du petit. Il va sortir 2 ans plus tard, entamer une carrière de chimiste et à côté de ça, il donne des cours de mathématiques au collège privé Stanislas à Paris. En 1836, deux postes de professeur s'ouvrent à Lix, justement, à Polytechnique, l'un en chimie, l'autre en astronomie. Eh bien, Le Verrier candidate pour le premier sans succès et c'est pour ça qu'il va se résoudre à tenter sa chance pour le second. Et là, ça marche en fait. C'est donc un peu par hasard, disons-le, qu'il met les pieds dans l'univers de l'astronomie, mais il le fait en scientifique consciencieux qui rattrape son retard à toute vitesse. Il faut vous dire évidemment que Le Verrier a été dans cette affaire parmi ceux qui ont dirigé, ont dominé la discipline. Il faut le dire, il y a eu un travail considérable qui avait été fait autour de lui. Il lui faut un an pour comprendre une anomalie qu'il avait constatée, mais qu'il avait constatée dans ce qu'on appelle justement les mouvements d'Uranus, hein, des mouvements très très bizarres. On se rendait compte qu'en tournant autour du Soleil, la planète se présentait particulièrement inclinée, beaucoup plus inclinée que ses voisines. Et à la demande de François Arago, qui à l'époque était directeur de l'Observatoire de Paris, Le Verrier a mis de côté l'étude des comètes sur lesquelles il travaillait jusque-là pour se concentrer sur ce cycle d'Uranus et sur les perturbations de ce cycle d'Uranus. Il lui faut donc un an seulement pour comprendre d'où venaient les fameuses anomalies. Et le 1er juin 1846, il peut finalement présenter sa conclusion à l'Académie des sciences. Le mouvement d'Uranus est en fait perturbé par l'existence d'une autre planète qu'on ignorait encore jusque-là. Ça, c'est assez extraordinaire parce que ça veut dire que uniquement par la force du calcul, Le Verrier a compris qu'il y avait une planète qu'on ne peut pas observer, qu'on ne peut pas voir. François Arago dira « Monsieur Le Verrier vit le nouvel astre au bout de sa plume ». Eh oui, il ne le voit pas au bout de sa lunette. Celui qui le premier va voir la planète au bout de son télescope, ce sera Johann Gottfried Galle, un astronome allemand. Le Verrier, nous dit Bernardieu, sut que Galle avait établi au cours des mois précédents une carte quasiment exhaustive de ce domaine où Neptune devait se trouver alors. C'est donc à lui qu'il s'adressa, bien qu'à Berlin et que, on s'en doute, les astronomes ne fissent pas défaut à Paris. Le 23 septembre 1846, Galle observa que dans cette région du ciel qu'il connaissait si bien, où il avait repéré, catalogué et décrit tous les objets visibles, se trouvait maintenant un nouvel astre dans la direction annoncée par Le Verrier. S'il ne l'avait pas vu auparavant, lorsqu'il avait dressé sa carte, c'est que Neptune se trouvait alors ailleurs. Le mot « planète » ne signifie-t-il pas « errant » en grec? Oui, ça vient d'une racine grecque qui désigne tout ce qui est mobile, ce qui est en errance, précisément. En 1848, Le Verrier explique son choix de se tourner vers Galle. « Il y a 2 ans que j'ai découvert la position de Neptune au moyen des perturbations que cette planète produit dans les mouvements d'Uranus, dit-il. Lorsque j'annonçais mon principal résultat, je ne trouvais presque personne qui voulût y croire. Déduire la position de Neptune d'un petit dérangement que cette planète produit sur Uranus, quelle folie ! Malgré mes vives insistances pour qu'on vérifiât mon travail au moyen d'une lunette, ce n'est qu'à Berlin, et plus de 4 mois après la publication de mon principal mémoire, qu'on daigna chercher, en septembre 1846, l'astre à l'existence duquel personne n'osait croire. » Urbain Le Verrier va pour ça être très récompensé. Sa découverte, évidemment, fait de lui un officier de la Légion d'honneur, membre adjoint du Bureau des Longitudes, et même le roi Louis-Philippe va lui donner le poste de précepteur en sciences de son petit-fils. Donc il devient une notabilité, bien entendu. On trouverait sans peine dans l'histoire des sciences maintes découvertes plus utiles au sens vulgaire du mot que la découverte de Neptune, peut-on lire dans une conférence d'André Dingeon. On en trouverait aussi de plus riches en conséquences pour le développement de la science et le progrès de l'esprit humain. Mais on en chercherait en vain, dont le retentissement ait été plus grand, les échos plus prolongés et dont les contemporains aient été plus vivement frappés, dit-il. C'est vrai que la découverte de Neptune a fait parler. La vraie raison d'ailleurs de la popularité de cette découverte, c'est toute la polémique qui s'est greffée dessus quant à la paternité de la découverte elle-même. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que dès septembre 1845, c'est-à-dire presque un an avant Le Verrier, l'anglais John Couch Adams avait trouvé, lui, l'emplacement de Neptune. Seulement, il avait livré de premiers travaux qui n'avaient entraîné qui n'avaient rencontré aucun enthousiasme. Et du coup, eh bien, il s'était laissé devancer par le français. J'ai reçu les mémoires d'Adams en septembre 45, dira James Challis, qui est un astronome britannique. Mais la recherche a été retardée parce que c'était une chose si nouvelle que d'entreprendre des observations en ne s'appuyant que sur des déductions purement théoriques, et alors que le travail paraissait considérable, la perspective du succès était très douteuse, dit-il. S'ensuit donc cette controverse terrible à laquelle, devant l'Académie des sciences, M. Arago en personne va vouloir mettre un terme. « Il n'existe qu'une manière rationnelle et juste d'écrire l'histoire des sciences, dira-t-il. C'est de s'appuyer exclusivement sur des publications ayant date certaine. Hors de là, tout est confusion et obscurité. » Et il ajoute « Monsieur Adams n'a le droit de figurer dans l'histoire de la découverte, ni par une citation détaillée, ni même par la plus légère allusion. » Au final, Le Verrier va donc remporter la bataille et c'est lui qui va recevoir ce privilège de nommer la planète qu'il va donc appeler Neptune. Au cœur de l'histoire, votre émission sur Europe 1 et on vous invite, chers auditeurs, à participer. Quand vous le souhaitez, vous pouvez poser vos questions, nous faire part de vos messages par mail, europe1.fr, par Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. On vous attend également sur la page Facebook de l'émission. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Sur Europe 1, nous retournerons dans l'espace, au cœur du système solaire. Bon après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1. Nous sommes avec vous au cœur de l'histoire et Franck Ferrand, nous partons aujourd'hui à la découverte des astres les plus éloignés de notre système solaire. Alors Urbain Le Verrier avait fait cette découverte de Neptune simplement par des calculs mathématiques. C'est une démarche intellectuelle tout à fait incroyable quand on y songe. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas, la planète en question, mais on déduit des mouvements un peu erratiques que peut faire Uranus que la planète en question existe, que c'est la seule façon d'expliquer les distorsions du cycle d'Uranus, en l'occurrence. Ça va donner des idées à d'autres, ça, bien entendu. Dans les temps qui vont suivre la découverte de Neptune, les scientifiques envisage la possibilité d'autres planètes qui peuvent être d'ailleurs beaucoup plus petites, d'une taille proche de celle de la Terre, tout simplement. Planètes qui peuvent perturber d'autres cycles, mais notamment toujours ce cycle tellement particulier d'Uranus. C'est un Américain, il s'appelle Percival Lowell, qui le premier va se lancer à la recherche d'une planète au-delà de Neptune, encore plus loin dans la galaxie, une planète dite transneptunienne. Ce monsieur est un diplomate au départ, il est très riche, est originaire de Boston. Il commence à se passionner pour l'astronomie vers 1890 et lui est surtout passionné par une affaire qui est celle des Martiens. Il est convaincu que s'il y a de la vie sur Mars, celui qui va entrer le premier en contact avec cette vie-là va devenir une personne très importante. C'est pas faux d'ailleurs comme analyse probablement. Et donc, il croit aux Martiens. En 1894, il décide de se faire construire un observatoire privé dans l'Arizona, à Flagstaff exactement. Et il va faire des recherches et des observations de plus en plus poussées. Et puis en 1906, il abandonne toutes ses recherches martiennes, si je puis dire, et se penche donc sur une nouvelle question, celle de l'existence d'une planète transneptunienne qui perturberait les fameux déplacements difficiles d'Uranus. Alors il reprend la technique d'Urbain Le Verrier, bien entendu, il réalise une série de calculs et il parvient, quand je dis il réalise, il fait réaliser, il parvient à déterminer la position de cette planète qu'on appelle pour l'instant la planète X. À partir de 1909, il demande que soient effectuées des recherches systématiques à cet emplacement afin de mettre le doigt sur le nouvel astre. Donc on sait dans quel coin du ciel ça doit se trouver, tout ça, on cherche bien entendu. Et dans le même temps, il y a un autre astronome américain qui s'appelle William Henry Pickering qui va arriver à la même conclusion que son confrère. Et ça y est, c'est reparti, c'est à qui arrivera le premier des deux, bien entendu. Finalement, Lowell décède en 1916 sans jamais avoir abouti dans ses recherches. À sa mort, il laisse un testament qui accorde à son observatoire les fonds suffisants pour continuer les recherches. Voyez jusqu'où va la passion de ce monsieur. Une somme donc suffisante pour payer le matériel, le personnel, etc. Seulement, les ressources commencent à s'épuiser. On réalise que le matériel à disposition n'est pas assez perfectionné pour l'entreprise à accomplir. Et en 1929, c'est le frère de Lowell, qui s'appelle Lawrence, qui est président de l'université de Harvard, qui fait une donation de 10 000 dollars au centre Flagstaff pour poursuivre les fameux travaux, les travaux de Percival. Grâce à cette somme, on peut enfin avoir à disposition un télescope ultra puissant. Il possédait un puissant mouvement d'horlogerie, dit Kourganov, un axe polaire reposant sur deux fondations très stables, ce qui permettait d'exposer des clichés sans interruption pendant toute une nuit. L'objectif avait 13 pouces d'ouverture et 64 pouces de distance focale. Cette même année, un jeune homme qui n'a que 23 ans est engagé comme aide technique dans cet observatoire de Flagstaff. Il est chargé de photographier la région déterminée par Lowell à plusieurs jours d'intervalle et il doit examiner les clichés à ce qu'on appelle le blink microscope, qui est un stéréocomparateur. En fait, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais un instrument qui permet justement de voir les plus infimes variations possibles. Le jeune homme en question, il s'appelle Clyde Tombaugh. Il observe donc les clichés et, retenez la date, le 18 février 1930, vous voyez que ça a été long toute cette affaire, il observe un point lumineux mobile, c'est la fameuse planète que recherchait Lowell. Or il s'avère que ses calculs avaient été très précis puisqu'elle se situe à seulement 6 degrés d'écart avec la position prédite par Percival. La découverte ne sera rendue officielle qu'un mois plus tard, le 13 mars 1930. Qu'on se le dise à ce moment-là, le système solaire possède une nouvelle planète. Cette planète, on va la baptiser Pluton. Nous allons voir dans un instant dans quelles conditions, avec Alain Sirou. Et nous allons voir aussi que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et au cœur du système solaire avec vous, Franck Ferrand, à la découverte de Pluton et de son découvreur Clyde Tombaugh et avec votre invité Alain Sirou, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace et consultant scientifique d'Europe 1. Bonjour Alain Sirou. Bonjour Franck Ferrand. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai sous les yeux le dernier numéro, celui d'octobre de 2014 de Ciel et Espace. Avec d'étranges signaux venus d'autres galaxies, qu'est-ce que c'est que ces signaux? Vous n'allez pas pouvoir nous le résumer en 3 minutes. Il y a toujours des mystères dans l'univers, mais les astronomes prennent pour acquis l'observation. Après, il faut expliquer ce que l'on voit. Et puis, dans le numéro de novembre, qui va paraître là très bientôt, à la fin de la semaine, à 6000 années-lumière de la Terre, un voyage au cœur d'un trou noir. Là aussi. C'est un peu peur. On peut voyager au cœur du trou noir? Là aussi, que devient la matière qui disparaît dans un trou noir? C'est une vraie question et je dirais que 6000 années-lumière... Pour les astronomes, c'est l'approche banlieue. Pour vous, c'est le courant, c'est le quotidien. Et à tel point que le jeune découvreur extraordinaire dont je parlais tout à l'heure, celui qui, en mars 1930, a découvert la 9e et dernière planète du système solaire, nous verrons que depuis 2006, un certain nombre de scientifiques remettent ça en cause. Bon. Mais en tout cas, pas un certain nombre, d'ailleurs c'est l'Union Astronomique Internationale qui remet carrément en cause. Mais en tout cas, ce Clyde Tombaugh, vous l'avez rencontré, vous? Oui, je l'ai rencontré à la fin de sa vie parce que je crois que vous alliez me dire à la fin de la guerre. J'allais dire décidément, c'est Alain Sirou bien plus âgé qu'il n'en a l'air. C'est extraordinaire de rencontrer un découvreur de planètes vivant, en tout cas à cette époque-là. Il était déjà âgé, il avait à peu près 90 ans. Mais c'était un personnage qui, pour moi, était très mystérieux parce que Pluton, vous l'avez dit, était souvent associé à l'idée d'une découverte de Percival Lowell, qui est bien connu pour l'affaire des canaux martiens. Il avait vu, il pensait qu'il avait vu des choses qui ne pouvaient pas être naturelles sur Mars. En analysant en fait des observations, il voyait entre guillemets des pipelines artificiels qui reliaient les pôles martiens à l'équateur. Et sa théorie, son idée, c'était que sur Mars vivait une population de jardiniers qui avaient un problème d'eau. La planète était en train de se désertifier et puis pour faire venir l'eau du pôle nord, pôle sud à l'équateur, ils avaient réalisé des grands travaux. C'était à l'époque de Ferdinand de Lesseps, c'était à l'époque où on bâtissait sur Terre des grands travaux et pour faire... Et où l'irrigation, oui, était à la mode, oui, bien sûr. Oui. Donc il avait dessiné vraiment une cartographie martienne avec ses canaux qui étaient une mauvaise interprétation du terme italien canali, qui veut dire bras de mer. Et il a cherché vraiment avec forte conviction les Martiens pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il soit obligé de reconnaître qu'il ne les avait pas trouvés. Et alors là, il s'est reconverti en quelque sorte de la recherche des Martiens. Il en est venu à la recherche d'une nouvelle planète qui pourrait expliquer le reliquat inexpliqué, si je puis dire, des perturbations dans le cycle d'Uranus. Tout à fait, perturbations gravitationnelles. Et là, vous l'avez dit, sans succès, puisqu'il, lorsqu'il disparaît en 1916... on n'a pas trouvé à Flagstaff la fameuse planète X qu'il cherche. Et c'est là où intervient l'histoire votre de Clyde Tombaugh. Dites-nous peut-être, Alain, dans quel contexte vous l'avez rencontré, vous ? C'était où, d'abord ? Alors, moi, je l'ai rencontré à Las Cruces, au Nouveau-Mexique. Vous savez, c'est l'Amérique des westerns, où vous avez les cactus gigantesques, vous avez la poussière qui souffle, vous avez la petite maison avec des barrières. Et puis, Clyde Tombaugh était un personnage qui était... Non, que Sergio Leone là-dessus. Ah, c'est vraiment Sergio Leone, vous avez le vent, etc. Vous avez la totale. Et la première chose qu'il me montre, c'est son télescope quand il était jeune. C'était un astronome amateur à l'âge de 16 ans, 17 ans, qui avait été, je dirais, initié par son papa et son oncle à l'observation du ciel, qui était fermier. Et il avait une passion avec ce petit télescope qu'il avait construit lui-même, avec des morceaux de tracteur. Avec une optique simple, il dessinait les planètes, et il dessinait Jupiter, il dessinait Saturne. Il était extrêmement doué, et c'était vraiment son, je dirais, son bijou de départ. C'était son jardin secret. C'était son jardin secret. Et sa femme, Patsy, qui avait une robe rose absolument extraordinaire à 87 ans, dit « Bon, allez, Clyde, ça suffit, tu vas expliquer à ce jeune garçon comment tu as trouvé Pluton, nous allons aller déjeuner. » Nous sommes allés au restaurant à côté qui s'appelle La Posta. Et La Posta, c'est le restaurant où mangeaient Pancho Villa, Billy the Kid, c'est-à-dire une atmosphère mais tout le à fait saloon. Épique, absolument extraordinaire. Et là, Clyde Tombaugh m'a expliqué qu'il était jeune et il a envoyé ses dessins de planètes en tant qu'amateur à l'observatoire de Flagstaff, en disant que ce que vous en pensez. Ce sont des choses qui arrivent très souvent dans le domaine de l'astronomie. On envoie des photos, des dessins, en disant aux professionnels « Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Guidez-moi. » Et là, il reçoit une réponse tout à fait surprenante du directeur de l'observatoire, un certain Vesto Slipher, qui lui dit « Mon jeune ami, venez. Vous êtes embauché en tant qu'observateur et nous vous proposons 90 dollars par mois. Prenez un billet, arrivez. » Et il était proprement stupéfait, mais il avait cette espèce de passion extraordinaire de l'astronomie. Il a pris un billet, il était au Texas, direction Flagstaff en Arizona, et il est parti dans cet observatoire. Flagstaff, c'est un observatoire qu'on peut visiter encore aujourd'hui, qui est à 2000 mètres d'altitude. C'était un décor extraordinaire. Vous êtes assez près du Grand Canyon du Colorado. C'est là où le ciel a fait un clin d'œil à la Terre, puisque vous avez les vestiges d'une collision entre un astéroïde et la Terre. C'est là où se situe le fameux météore cratère. Et là où il y a un ciel parfaitement noir. On est à 2000 mètres d'altitude. Et où Lowell a installé ce fameux observatoire. Et ça fait 4 ans, 5 ans que les astronomes cherchent, mais ils ont quand même lâché la bride, hein, si je puis dire, la planète Pluton, la planète X en tout cas, et confient cette tâche exceptionnelle à Tombaugh en lui disant voilà l'instrument, voilà le comparateur qui permet de faire des photographies de nuit en nuit et faire une photo le lundi et puis faire la photo de la même région le lundi suivant. Permet, en mettant ça sur l'appareil, de voir si quelque chose a bougé. Ce qu'on appelle le blink. Voilà. Est-ce que quelque chose clignote ? Et Tombaugh part dans une exploration extraordinaire, en ne sachant pas dans quelle région du ciel il fallait chercher, et surtout perdu dans la Voie lactée, où existent des centaines de milliers d'étoiles. Il va donc consacrer toutes ses nuits, où il fait froid, il est tout seul, dans le noir, à 2000 mètres d'altitude, la température descend à moins 10 degrés parfois. Il fait des photos, il photographie, et dans la journée, il dépouille, il compare. Ça dure des mois, mais c'est assez rapide quand même, puisque au bout d'un an, vous l'avez dit, ce jour où tout d'un coup, il voit quelque chose qui clignote dans la constellation des Gémeaux, et là il sait qu'il a quelque chose, qu'il tient quelque chose. C'est un jeune garçon, il a 24 ans, il va voir M. Slipher, le directeur de l'observatoire, qui l'a embauché, et il lui dit « Voilà, je crois que j'ai découvert quelque chose ». Slipher se précipite, appelle les astronomes sur place, ils refont des photographies sur plusieurs jours, retrouvent des archives de Flagstaff, où ils découvrent qu'ils avaient déjà photographié cette planète, mais sans s'apercevoir que c'était une nouvelle planète. Et puis, il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire. Tombaugh est mis à part. Les astronomes de Flagstaff s'emparent de la découverte, font un communiqué. Il me dit « J'ai été employé à coller les timbres pour envoyer les missives à la presse. » Il a été mis de côté complètement. Il a été totalement mis de côté. Et la planète, la découverte de la planète de Percival Lowell est annoncée par l'Observatoire de façon très officielle, sans que le rôle de Tombeau soit mentionné une seule fois. Heureusement que grâce à vous, nous pouvons lui rendre justice. Tombeau, Clyde Tombeau, ça s'écrit T-O-M-B-A-U-G-H. L'histoire lui rendra toute sa gloire, puisque finalement, on va quand même s'inquiéter de savoir ce qui s'est passé. Et puis surtout, on va découvrir quelque chose qui est tout à fait nouveau, c'est que ce n'est pas la planète qu'imaginaient les calculateurs, ni Percival Lowell, parce qu'elle est trop petite. On pensait qu'elle pouvait être de la taille de 5 à 10 fois la masse de la Terre, mais pas du tout. Elle est plus petite que la Lune. Elle est 1/500 la taille de la Terre. Donc ça colle pas. C'est pas la bonne planète. Donc, quand on découvre ça, on va redemander à Clyde Tombeau de reprendre les observations. Et Clyde Tombeau va passer 13 ans à l'observatoire de Flagstaff, toutes les nuits, sans Lune, à la lunette, faisant des milliers et des milliers et des milliers de photographies, scrutant pratiquement 70% de la sphère céleste, observant des centaines de millions d'étoiles, découvrant des comètes, des astéroïdes, de nouvelles nébulosités, des galaxies. Il va observer le ciel sans discontinuer pendant 13 ans, mais jamais, jamais il ne va trouver la fameuse planète X qui va rester un mystère dont on parle encore. Donc la planète, elle reste à découvrir d'une certaine Absolument. Manière. Mais la découverte qu'a faite Clyde Tombeau, cette planète qu'on va appeler Pluton, on va voir pourquoi dans un instant d'ailleurs, on l'a dépossédée de sa découverte. On l'a dépossédée de sa découverte, il faudra au moins une vingtaine d'années avant qu'on le reconnaisse comme quelqu'un qui est l'auteur, l'inventeur, comme on dit en science, de cette découverte. Mais ce garçon avec cet œil de lynx qui ne l'a pas trouvé sous la plume, mais grâce à cette capacité extraordinaire de voir dans le ciel tout ce qui bouge, tout ce qui se déplace et tout ce qui est extraordinaire. Eh oui, certains avaient intérêt évidemment à se mettre devant lui. Pardon de le dire à l'astronome que vous êtes, mais rien de nouveau sous le soleil. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, Europe 1 dans les étoiles. Bel après-midi avec nous au cœur de l'histoire. Et Franck Ferrand, vous recevez Alain Sirou, directeur de la revue Ciel et Espace. Retour au cœur de l'espace pour parler de Pluton et de son découvreur, Clyde Tombeau. Vous ne nous avez pas dit, Alain, à quoi ressemblait Clyde Tombeau quand vous l'avez rencontré? C'était un grand monsieur, un petit monsieur? C'était un tout petit monsieur coupé en deux. C'est-à-dire qu'il avait un tel mal de dos qu'il marchait, mais vraiment... À courbé, en fait. Courbé, tout à fait. Et bossu, presque. Bossu. Et alors, la première chose qu'il m'a montré, ça m'est resté toujours, c'est sa montre. Mais pourquoi sa montre? Parce que sur sa montre, il y avait un chien. Et cette montre lui avait été offerte par Walt Disney, qui, en 1931, avait fait un film qui s'appelle « La chasse à l'élan », où il avait inventé un chien, un personnage, qui s'appelle Pluto. Et, voilà. et Disney, plus tard, avait offert cette montre à Clyde Tombeau en disant « Je vous dois Pluto ». Et il était Donc ravi Pluto, comme un gosse. Le Pluto de Disney, ça vient du Pluto de Clyde Tombeau. Exactement. Et d'où vient le Pluto de Clyde Tombeau? Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Pluton, planète? Alors, ça a été une grande discussion... Vous avez vu qu'on fait référence à la mythologie, donc les planètes sûr, sont toujours baptisées selon des mythologies. Mais... Jusqu'ici, il y avait une logique, puisqu'on on partait donc, on avait Saturne, Uranus, enfin on remontait comme ça. Mais comme Mars c'était avant, découvert dans un observatoire privé, Flagstaff, on voulait rendre hommage aussi à Percival Lowell, qui aurait eu 75 ans quand on a découvert cette planète, et puis c'était exactement aussi 149 ans après la découverte d'Uranus. Donc il y a eu plusieurs tentatives. La plus croquignolesque, si je puis dire, c'était la femme de Lowell, même Constance Lowell, qui avait voulu d'ailleurs couper les crédits de l'observatoire, et qui avait proposé qu'on appelle la planète de son mari, comme elle disait, tout simplement... Constance, soyons modestes. Finalement, ça s'est architecturé, enfin, ça s'est, tout le monde s'est mis d'accord pour l'appeler Pluton, parce que c'est une planète lointaine, c'est une planète des ténèbres. Pluton, c'est le dieu grec des enfers, et ça permettait de faire un petit hommage à Percival Lowell, puisque le PL de Pluton rendait hommage à Percival Lowell. On avait fait un concours, c'est une petite fille, semble-t-il, qui avait une petite fille britannique qui avait eu l'idée. Absolument. Tout à fait, de donner justement ce nom de, du bout du monde, de la planète des ténèbres à cet objet très lointain. Cet objet très lointain, très petit, tellement petit qu'on se demandait si finalement c'était bien une planète. Et en 2006, l'Union Astronomique Internationale a finalement décidé de redessiner les contours de la définition de planète. On a créé une nouvelle catégorie, celle des planètes naines. Oui. Et dans cette catégorie, on a fait entrer Eris et Pluton. C'est le début d'une vraie polémique, ça, évidemment. C'est le début d'une vraie polémique et c'est quelque chose qui interroge beaucoup encore aujourd'hui sur la nature du système solaire. Parce que on connaît, vous l'avez dit, les planètes visibles à l'œil nu, on connaît Uranus, Neptune qu'on observe maintenant dans le télescope, on les a frôlés, etc. On va frôler bientôt Pluton, mais comme Pluton est découverte, si je puis dire, assez tard, en 1930, on a encore peu d'informations sur ces objets extrêmement lointains. Mais dès qu'on déploie dans l'espace des télescopes spatiaux et que l'optique au sol permet de voir des objets extrêmement faibles, extrêmement loin, on découvre, à partir de 2000 en particulier, trois objets qui sont comparables à Pluton en taille et en orbite, qui s'appelle Kaoar, Sedna et Eris. Mais pour le dernier en particulier, on découvre que Eris, eh bien, a une taille supérieure à Pluton. C'est-à-dire que les astronomes qui imaginent à quoi ressemble le système solaire découvrent ce que l'on appelle la ceinture de Kuiper. C'est-à-dire, en fait, une zone située entre 30 et 50 unités astronomiques, 30 et 50 fois la distance de la Terre au Soleil, qui ressemblerait à une espèce de donuts, en quelque sorte, dans lequel se trouveraient des milliers d'objets de taille égale, inférieure ou supérieure à Pluton. Oui, c'est ça. Et puis, des comètes. Et ça veut dire que si on regarde Pluton comme étant le premier de ces objets, alors ça prend la tête d'une famille. Mais si c'est une planète, ça veut dire qu'il va falloir que tous les autres soient des planètes. Et on n'aurait plus 9 planètes, mais des centaines, voire des milliers. Oui. Donc, la discussion a lieu pour savoir comment on qualifie Pluton, qui est un objet comme un peu bizarre. Parce que Pluton, d'abord, c'est une planète extrêmement lointaine, mais c'est aussi une planète qui est, avec une orbite un peu curieuse, qui est extrêmement décentrée par rapport à la façon dont circulent les planètes autour du Soleil. Elle a une orbite excentrique, elle est inclinée, et on voit bien qu'elle ne ressemble pas aux autres. Donc, il y a une vraie discussion sur sa nature. Et en 2006, après beaucoup de bagarres, au sein de l'Union Astronomique Internationale, qui est en fait l'ONU des astronomes, eh bien, il est décidé de donner une nouvelle définition des planètes. Et cette nouvelle définition des planètes exclut de facto Pluton comme la 9e planète du système solaire, mais lui donne une qualification nouvelle. Elle est la première planète naine. Alors, quelle est la différence ? La différence, c'est que finalement, les planètes sont reconnues planètes si elles sont, entre guillemets, toutes seules sur leur orbite, si elles ont réussi à débarrasser autour d'elles les autres objets, alors que Pluton, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que Pluton, on va le découvrir avec la présence en particulier d'une lune étrange, extraordinaire à côté d'elle, qui s'appelle Charon. C'est un objet vraiment à part. Donc, on rétrograde Pluton. Il n'y a plus 9 planètes dans le système solaire, mais il y en a 8. Il y en a 8, plus toutes ces petites planètes naines, en fait. Et celles qui restent à découvrir. Voilà, qui seraient par milliers, puisqu'on en a aujourd'hui plusieurs milliers identifiés. Alors, comment expliquer dans ces conditions que certains scientifiques, je pense à ceux notamment du Harvard Smithsonian Center, se battent pour la réintégration de Pluton dans la catégorie des planètes, mais c'est vraiment assez dur. Un hamster nain est encore un hamster, un palmier nain est toujours un palmier. Pourquoi une planète naine ne serait-elle plus une planète, proteste le communiqué officiel du Harvard Smithsonian Center. Il y a de très bonnes raisons. D'abord, Pluton, c'est la seule planète découverte par un Américain. Et ça, c'est extrêmement important. Là, voilà, bon. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus important que ça a déclenché l'expédition d'une sonde spatiale qui s'appelle New Horizons et qui va frôler Pluton le 14 juillet 2015, c'est-à-dire l'an prochain. Il n'y aurait pas eu Le 14 juillet prochain, on va avoir des photos de Pluton, c'est ça ? Exactement, ça va passer. La sonde est partie il y a 11 ans, en 2006 exactement. Elle s'appelle New Horizons, elle va frôler le couple Pluton-Charon, puisque c'est vraiment un couple, hein, c'est un objet très particulier. Puisque vous nous dites qu'il y en a des centaines et même des milliers du même gabarit, pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur celle-ci en particulier? Vous devriez que c'est un peu étrange. Parce que, d'abord, ceux qui pilotent cette sonde sont américains. Oui, donc c'est vraiment une question presque sentimentale et patriotique. C'est une question sentimentale et patriotique. Et ensuite, il est remis en cause l'Union Astronomique Internationale. Finalement, qui décide de quoi dans l'univers? Voilà. Pour l'instant, on est basé sur un consensus. L'Union Astronomique, c'est l'équivalent de l'ONU pour les astronomes, mais ces Américains contestataires disent il y a 6500 astronomes qui font partie de l'Union Astronomique, il y a eu uniquement 430 personnes qui ont voté. Il faut revoter. Ça veut dire qu'il y a eu quelques manifestations avec des badges, Pluton est une planète, redonnons Pluton. c'est merveilleux, simplement quand on nomme une planète ou quand on nomme un objet dans l'univers, on le nomme pour l'éternité. Donc on a une responsabilité et je dirais qu'on en reparlera sans doute l'été prochain, puisqu'il y a à la fois le passage de cette sonde, mais en même temps un nouveau congrès de l'Union Astronomique Internationale qui mettra peut-être, je ne sais pas, à l'ordre du jour cette question. Après la découverte qu'il avait faite, qu'est-il devenu votre Clyde Tombaugh? Il a fait d'autres découvertes? J'imagine qu'en observant le ciel aussi longtemps qu'il a pu le faire, il a découvert des choses. Il a découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais il était amer. Il était amer parce que c'est vrai qu'on l'avait dépossédé de sa vraie trouvaille, c'est ça? On l'avait dépossédé de sa vraie trouvaille et il a fallu du temps pour qu'on le reconnaisse. Ensuite, il est parti s'installer à White Sands, à côté au Nouveau-Mexique, toujours à côté d'Alamo Gordo. C'était le moment où les Américains développaient le système spatial. Et c'est lui, et là encore on retrouve le lien avec la bande dessinée, ce cher Clyde Tombaugh, c'est que c'est lui qui était chargé du développement, du suivi des missiles, les fameux V2 qui avaient été récupérés par les Américains, des Allemands hein, qui l'avaient développé. Et il a eu cette idée extraordinaire de faire repeindre d'un damier noir et blanc les V2 pour qu'au décollage, on puisse parfaitement les suivre avec les caméras cinétodolites. Et à ce moment-là, on a eu une meilleure résolution d'image. Donc oui, c'est quelqu'un d'extrêmement pratique. Oui, voilà, extrêmement c'est pratique. Pragmatique, en fait. Et en allant déjeuner avec lui, on est passé devant le collège qui porte son nom, Clyde Tombaugh, devant le planétarium qui porte son nom. Et je pense qu'il était fier. Quel plaisir d'écouter Alain Sirou à chaque fois, nous dit Sam via Twitter. Et Jean-Seb surenchérit. Ce sont des personnes telles qu'Alain Sirou qu'il faut que nos enfants écoutent. Je suis bien d'accord. C'est vrai que votre passion est communicative et qu'elle transparaît, bien entendu, dans le magazine Ciel et Espace, le magazine de l'astronomie. Le numéro de novembre est en vente à partir de la fin de la semaine, là, Alain Sirou, avec un article sur l'astronomie française à l'échéance 2030, avec un entretien avec les pères de l'inflation. Il faut que vous nous expliquiez ça. Mais comment l'univers est devenu gigantesque, presque infini, en l'espace d'une fraction de seconde après le Big Bang? C'est ceux qui ont découvert ça, théorisé. Qui l'ont théorisé. L'astronomie, c'est plein de mystères. À chaque fois qu'on pousse une porte et qu'on réussit à la pousser, il y en a 10 autres derrière. Alain Sirou, merci beaucoup. Cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et ce mercredi après-midi, Franck Ferrand, vous répondez à la question de Manuel qui, via le site internet d'Europe 1, europe1.fr, souhaite que vous reveniez sur la logique d'attribution des titres de duc au fils du roi de France. Alors voilà, c'est une question un peu complexe que je vais essayer de résumer et de simplifier à l'extrême. Et puis ensuite, vous irez fouiller dans le dosier, dans les grands armoriaux, Manuel, si ça vous intéresse plus en détail. Mais sachez deux ou trois choses. D'abord, ces titres de duc ou de comte, ce qui peut exister aussi, n'ont rien à voir avec les ducs ou les comtes de la noblesse classique, évidemment. C'est pas, par exemple, le duc de Bourgogne n'est pas monsieur le duc. Il est un prince, par définition. Il ne porte ce titre que par courtoisie et pour désigner l'apanage dont il est le possesseur. C'est ça qui est très important. Il faut bien comprendre que dans une famille royale, le fils aîné, en tout cas quand il a la loi salique, c'est-à-dire seuls les enfants mâles succèdent, le fils aîné, lui, est l'héritier du royaume, de la couronne. Il est le dauphin à partir du 15e siècle. Mais il peut avoir des frères, bien entendu. Alors qu'est-ce que vous en faites de ces frères? Et notamment les frères en question, il faut bien qu'ils aient des revenus. Or vous savez que les provinces vont avec un certain nombre de bénéfices autrefois et que ça rapportait de l'argent, bien entendu. Alors pour permettre à tous ces princes, parfois ils peuvent être nombreux, de tenir leur rang, de gagner de l'argent et d'avoir un certain prestige en quelque sorte, on leur donne le temps de leur vie une province qu'on appelle un apanage du latin panem. On leur donne du pain, si vous voulez. Bon. Et cet apanage à leur mort, ou dans certains cas, lorsque l'apanage est héréditaire, à la mort de leur descendant mâle, il revient à la couronne, et comme ça on peut le redonner à d'autres. Alors, généralement, les fils aînés s'appellent duc de Bourgogne, les deuxièmes duc d'Anjou ou de Berry, les troisièmes duc de Bretagne, de Normandie, parfois de Berry. Il est arrivé aussi que des enfants bâtards légitimés deviennent, je pense aux enfants de Louis XIV, duc du Maine ou comte de Toulouse.